Chapitre 2. Il y avait ce jour-là conseil de cabinet. Le ministre regarda sa montre. Il devait être maintenant presque terminé, mais au moins, il pourrait peut-être s'aventurer à se faire conduire à Westminster. Il repoussa la petite table ronde, couverte de flacons et de médicaments, et se soulevant en appuyant ses mains sur les deux bras de son fauteuil, il saisit un gros bâton de chêne et se traîna lentement à travers la chambre. Pendant un moment, tandis qu'il remuait, l'énergie sembla revenir à son corps et à son esprit. La flotte anglaise quitterait Matapan. On exercerait une pression pour encourager les Turcs. On donnerait une leçon aux Grecs. Oh, en un instant, la Méditerranée s'évanouit et il ne resta que son orteil enflé, chauffé au rouge, important et inoubliable. Le ministre approcha en boitant de la fenêtre et posa sa main gauche sur le loquet tandis qu'il s'appuyait de la droite sur son bâton. Dehors, le jardin du square s'étalait, brillant et frais. Quelques passants circulaient, bien mis, et une voiture correcte sortait de la porte du ministère. Le regard rapide du ministre des Affaires étrangères aperçut l'écusson du panneau. Ses lèvres se serrèrent un instant, et ses sourcils en broussaille se froncèrent d'une façon menaçante. Il regagna son siège et frappa le gong qui se trouvait sur la table. « Madame, » dit-il au domestique qui se présenta. Il voyait clairement qu'il lui était impossible de se rendre à la chambre. Les annoncements dans sa jambe l'avertissaient que le docteur n'avait pas exagéré le mal. Mais il avait une petite préoccupation mentale qui avait pour le moment éclipsé ses souffrances physiques. Il frappa avec impatience le parquet de sa canne jusqu'à ce que la porte du cabinet de toilette s'ouvrit et une dame de haute taille élégante, d'un âge plutôt mûr, entra dans la pièce. Ses cheveux étaient grisonnants, mais son visage calme et doux avait toute la fraîcheur de la jeunesse. Sa robe de peluche verte, parsemée de passementeries d'or sur la poitrine et les épaules, mettait en valeur la finesse de ses contours. « Vous m'avez demandé, Charles. Quelle est cette voiture qui vient de sortir ?»« Oh, vous vous êtes levé !» dit-elle, agitant l'index en manière de remontrance. « Quel vieux chéri vous êtes ! Comment pouvez-vous commettre une telle imprudence ?» « Que dirai-je, M. William, lorsqu'il viendra ? Vous savez qu'il abandonne ses malades lorsqu'il lui résiste. »« Dans cette circonstance, c'est le malade qui pourrait l'abandonner, » dit le ministre, d'un ton grognon. « Mais je vous prie, Clara, de répondre à ma question. »« Oh, la voiture ? Ce doit être celle de Lord Arthur Sibthorpe. »« J'ai vu les trois chevrons sur le panneau, » murmura le malade. Sa femme s'était un peu redressée et ouvrait ses grands yeux bleus. « Alors pourquoi le demander ? » dit-elle. « On dirait presque que vous voulez tendre un piège. Croyez-vous que je vous tromperais ? Vous n'avez pas pris votre poudre de lithine. »« Pour l'amour de Dieu, laissez cela. Je vous l'ai demandé parce que j'étais surpris que Sir Arthur nous fît visite. Je m'imaginais, Clara, que je m'étais exprimé clairement sur ce point. Qui l'a reçu ? Moi, c'est-à-dire Ida et moi. Je ne veux pas qu'il se mette en contact avec Ida. Je n'approuve pas cela. Les choses sont déjà allées trop loin. » La dame s'assit sur un tabouret recouvert de velours et pencha sa taille superbe sur la main du ministre qu'elle caressa doucement entre les siennes. « Vous l'avez dit, Charles, » reprit-elle, « les choses sont allées trop loin. Et je vous donne ma parole que je ne m'en suis pas douté, jusqu'au moment où il n'y avait plus de remède. Je suis peut-être à blâmer, je le suis sans doute, mais ce fut si rapide. La fin de la saison et une semaine chez Lord Darmethorne, ce fut tout. Mais, Charles, elle l'aime tant. Elle est notre unique enfant. Comment pourrions-nous la rendre malheureuse ? Tut, tut ! Dit le ministre avec impatience en tapant la peluche de son bras de fauteuil. En voilà assez. Je vous le dis, Clara, et je vous en donne ma parole. Tous mes devoirs officiels, toutes les affaires de ce grand empire ne me donnent pas autant d'ennui qu'Ida. Mais c'est notre unique enfant, Charles. Raison de plus pour qu'elle ne contracte pas une mésalliance. Mésalliance, Charles ! « Lord Arthur Sibthorpe est le fils du duc de Tavistock. Il a une généalogie qui remonte à l'heptarchie. Debrett les fait descendre directement de Morcaz, comte de Northumberland. » Le ministre haussa les épaules. « Lord Arthur est le quatrième fils du plus pauvre duc d'Angleterre, » dit-il. « Il n'a ni avenir ni profession. Mais Charles, vous pourriez lui trouver les deux. Je ne l'aime pas. Je ne me soucie pas de l'alliance. Mais songez à Ida. » Vous savez comme sa santé est délicate, toute son âme repose sur lui. Vous n'auriez pas le cœur, Charles, de les séparer.